catastrophe. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas repris mon violon. Je prends mon violon, la corde elle casse. Je te dirai pas le nom de la corde parce que c'est pas pareil. Je me rappelle toujours pas. Je me demande si je peux pas mettre des cordes de guitare électrique dessus. Enfin, de cordes d'acoustique. Ça a pété. Il faut savoir que le violon, c'est pas des mécaniques à bas d'huile. Hein. Enfin, moi, sur le mien, je connais rien, mais c'est une espèce de morceau de bois que tu bloques. Ah, je suis en train de lire. Ah. Ouais, je disais, le violon, c'est un truc pour accorder. Tu bloques le petit truc dans le bois, là, et après, t'as un accordage fin, heureusement. T'as toujours peur de te prendre la corde, et ce qui m'est arrivé, j'ai pris la corde dans le doigt, j'ai coupé le doigt. Saloperie de violon. Tiens, je vais essayer de prendre ma fretless. Enfin, si je la trouve. Elle est où? Ah, tu connais pas ma fretless?